Salut, salut Charline. Allez, hop, les sujets. Eh ben, on a bien bossé. Ouais. Ah bah super. Bon, et vous les gars? Bah on les a vus. Ah, elles ont bien bossé. C'est bien bossé. Et vous n'avez pas pensé à les aider? C'est compliqué de trouver les sujets. On voulait pas faire de boulettes. Bon alors les filles. Eh ben il y a Donald Trump. Super, c'est bien. C'est un sujet du Parisien. Aujourd'hui en France. Quoi? Le Parisien en dehors de Paris, ça s'appelle Aujourd'hui en France. Comme on est une émission généreuse, on dépasse le périph. Ok, bien vu, c'est bien, c'est bien. Comme sujet 2, il y a les classes prépa payantes. Ah, c'est bien ça. Parfait. Ça vient d'où? Du Paris. Aujourd'hui en France. Oui, bah, très bien, je prends. On avance bien. Sujet 3. Le film sur Lance Armstrong. Ah ouais, oui, du sport, c'est chouette. Ça, ça va nous changer, c'est bien. Du sport. Enfin, ici, c'est du dopage ou du cinéma, mais pas du sport. Ouais, c'est pas vrai. Bon, vous avez un article là-dessus? Oui, il y a une grande page dans Aujourd'hui en France. Donc, c'est facile en fait de trouver les sujets. Ah, c'est bon. Ah, non, mais à ce moment-là, nous aussi, demain, on choisit un journal. On ouvre 3 pages au hasard. Tiens, d'ailleurs, demain, c'est moi qui fais les sujets. Je prends Libé. Comment on appelle Libé en province? Bah, Libération. Voilà, bah voilà. Il prendra Le Monde. Le Monde, c'est Le Monde partout. Bah oui, mais il arrive pas à la même heure à Paris que dans le reste de la France. En fait, c'est compliqué quand même. C'est très compliqué de trouver des sujets. Enfin, vous pouvez dire merci aux filles. Merci aux Parisiens. Aujourd'hui en France. Bonjour la France aujourd'hui, bonjour la France Inter. Vous écoutez l'émission qui saute à pieds joints sur l'actualité. Et voici les 3 informations qui vont en prendre un coup jusqu'à 18h. Donald Trump est favori chez les Républicains. Alors que le deuxième débat de la primaire a lieu ce soir, le milliardaire éructe plus qu'il ne propose des mesures concrètes. Voici le programme de Donald Trump. Comment bien préparer sa classe prépa pour bien se préparer aux écoles supérieures pour être prêt face pour faire la queue à Pôle emploi? Et écoutez, c'est très simple. Le chèque au début de chaque trimestre et pas la fin, s'il vous plaît. Voilà, c'est le business des prépas. The Program, le film sur Lance Armstrong, sort cette semaine et l'acteur avoue s'être dopé pour jouer le rôle de celui qui a réalisé le plus gros braquage de l'histoire du sport. Quoi? On m'aurait menti alors? Et je suis accompagnée de celui qui mise tout sur le cerveau, avec l'arrêt au milieu pour les cheveux et rien dans les mollets, Alex Vizorek. Bonjour, et aujourd'hui en France, autour de la table, une toute belle équipe à 17h20. Vous savez, Charline, que hier soir, Charles Aznavour montait sur scène au Palais des Sports à 91 ans. C'est dire si les Arméniens sont résistants. Va-t-on tenir à l'entendre parler musique minimaliste jusqu'à ses 91 ans? En tout cas, on va essayer. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline. Aujourd'hui, on va faire de l'Ethio Jazz Dub bruxellois. Oui. Et c'est comme quoi les Belges, ils font pas que fumer de la moquette. Il s'appelle Black Flower et c'est formidable. Eh ben, on foutra ça. À 17h30, lui, on ne sait pas s'il fera de vieux os. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est responsable de quelques cheveux blancs chez ses interlocuteurs. C'est Guillaume Meurice. Mais oui, bonjour Alex, bonjour Charline. Moi, je suis allé au grand rendez-vous des carrières commerciales. J'ai donc rencontré des commerciaux qui m'ont raconté leurs meilleurs coups. Mon meilleur coup, c'est mon mariage, je pense. Voilà, c'est de l'humour de commercial, bien sûr. Et à 17h40, elle est au-dessus de tout ça, c'est l'intellectuelle de l'équipe. Alors certains diront, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a vu de la lumière, elle est entrée. Eh bien non, en plus c'était éteint. Mais elle s'est dit, j'ai vu de la bêtise, je suis donc rentrée. Bonjour Isabelle Sorand. Bonjour Alex, bonjour Charlie. Vers où allez-vous nous élever? Aujourd'hui, nous allons parler des pensées de Marc Aurèle. Voilà, vous avez prévenu, pas n'importe quoi. Ça c'est pour pécho d'actualité. Funky Marc Aurèle. Marc Lévy, pas Marc Aurèle. Non. Le référent de la République qui préside cette émission est né sous De Gaulle. Vous faites partie des Deschiens qui arrivent sur Canal+ en 93. C'est l'année où disparaît Baudouin, roi des Belges. Je ne pensais pas qu'il partirait si vite. Vous tournez dans le film de Yolande Moreau, Quand la mer monte, en 2004. C'est l'année du tsunami. Vous jouez dans Bienvenue chez les Ch'tis en 2008, quand Martine Aubry est réélue maire de Paris. 2008. Exactement. Mais on n'est pas loin, Béthune. Maire de Lille, et j'ai dit quoi? Non. C'est bon, ouais, on est c'est bon. Bien, voilà. Et vous êtes de Béthune, c'est ça, hein, voilà. Vous êtes, je vous laisse nous le dire. Philippe Duquesne. Ah, voilà. Bravo. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Voilà, il paraît que j'ai dit Martine Aubry, Lille, maire de Paris, alors que j'ai écrit Lille. Vous ne suivez pas, en fait. On avait bien assimilé. C'est ça, vous nous, ne on suivez écoute pas. Rire et Chanson en même temps, pardon. Philippe Duquesne, né à Béthune, donc on n'est pas loin. Bonjour Philippe Duquesne. Bonjour. Alors, vous jouez Frangin, une pièce de Jean-Paul Wenzel au Théâtre du Lucernaire. Oui. Jusqu'au 11 octobre. Exactement. Et Alex Vizorek est allé vous voir. Et oui, c'est surtout une pièce à trois. Alors, il y a trois. Il y a un bon 3,5, on y viendra, mais c'est trois frères c'est ça. Qui se retrouvent. Et j'ai trouvé que les personnages et leurs relations étaient au moins aussi importantes que l'histoire en soi. Est-ce que c'est, on peut appeler ça du théâtre social, cette logique-là? Moi, je dirais plutôt un théâtre du quotidien, mais dans une situation extraordinaire. C'est quand même, parce que c'est quand même trois frangins qui se retrouvent, ils ne sont pas vus depuis 37 ans. Et ils se retrouvent parce que la mère va mourir. Voilà, dans la pièce à côté, qui est dans un milieu assez pauvre. Et... C'est pour ça que je disais... Charles Aznavour, la oui, maman. Oui, exactement. Si c'était c'est ça, elle va mourir la maman. Et les... Voilà, et c'est ça. Maudit. Et donc, il y a une espèce d'appréhension comme ça à se retrouver. Et puis, en fait, c'est reparti comme en 40, quoi, oui. En gros. Comment ? Ils ont trois profils très différents. Oui, il y en a un qui est en tôle, voilà, qui a une permission spéciale pour 3 jours. Il y en a un qui est auteur de polar, voilà. Et moi, je suis magicien, qui passe à la télé. Ah, quand même. C'est un magicien de la télé, c'est plus crédible. C'est pourquoi j'ai dit 3,5, parce qu'à un moment, il y a un personnage qui vient un petit peu rappeler et les bons et les mauvais souvenirs à ses trois frères, qui est le personnage de Gabi. C'est ça. Je vous laisse en dire plus sur ce personnage-là, ou parce que évidemment, ça fait partie de l'intrigue, donc allez jusque où vous voulez aller. Donc, mais en fait, c'est la tenancière du PMU d'à côté, et voilà qu'ils ont tous les trois très bien connus. Voilà, on en dira. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on en dira pas plus. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que parmi les trois, il y a l'auteur de la pièce. Exactement. Alors, Jean-Paul Wenzel. Alors, et la jeunesse de la pièce est amusante, c'est-à-dire que les deux autres lui auraient demandé. Mais quand est-ce qu'on bosse à nous deux? Et donc il s'est dit, je vais faire plaisir à deux personnes d'un coup, et il a écrit une pièce pour trois. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé à peu près? En gros, oui. C'est-à-dire que moi, j'avais fait une création avec Jean-Paul il y a 10 ans à Genève, qui était L'amour d'un brave type d'Howard Barker. Et puis, voilà, on s'est très bien entendu. Et comme il est auteur et metteur en scène, et acteur aussi, mais aussi auteur, j'ai dit, pourquoi tu nous écris pas un petit truc pour nous deux? Et puis voilà, on fait une petite tournée, on s'amuse. Donc c'est du sur-mesure. Exactement. Et Jean-Pierre Leonardini, qui est donc critique à l'Humanité. Et qui a dirigé les pages culture, si je ne me trompe. Oui, exactement. Ouais. Lui avait demandé la même chose quelques jours plus tôt, mais sans qu'on se concerte. Vous le connaissiez, Jean-Pierre Leonardini? Non, pas à ce moment-là. Ok, d'accord. C'est un signe. Du coup, il a écrit, voilà. Une pièce pour nous trois. Moi, j'arrête pas de demander à Charline de refaire ensemble R, mais juste à deux, mais je sais pas, elle réfléchit pour le moment. Et comment c'est de jouer avec l'auteur de la pièce? Est-ce que ça a quelque chose d'un peu bizarre? Pas du tout, parce que on se connaît très bien, il a écrit pour nous, pour lui-même aussi. Donc. Et vous avez l'impression qu'il observe la façon dont vous livrez ces mots? Oui, ça c'est assez drôle pendant les répétitions, parce qu'il a toujours l'œil du metteur en scène et de l'auteur en même temps. Et mais en même temps, on est aussi très amis et il est acteur. Et donc, on oublie quand même assez vite. Et puis, on joue, quoi. On joue. Et puis, une comédie, parce qu'il y a la oui. mère qui va mourir, il y a un taulard dans les fils, etc. Mais il y a quand même la volonté de sourire. Oui, c'est ça. Moi... Parce que sur le pitch, c'est pas évident. Non, c'est pas vraiment une comédie, mais c'est souvent les comédies, ça part de choses dramatiques. Ouais, hein. Et moi, ça me fait penser un peu aux comédies italiennes des années 60. Il y a un petit côté English aussi là-dedans, je trouve. Enfin, il y a un mélange de tout ça, et voilà qui fait que les gens sourient, rient aussi. Et en même temps, c'est touchant, en même temps, je pense. Mais les comédies de Dessica, parce que ça se passe effectivement dans le milieu en général ouvrier, et ici c'est le cas aussi. Donc. Ouais. Ça s'appelle Frangin, de Jean-Paul Wenzel, au Théâtre du Lucernaire, avec Philippe Duquesne et aussi Jean-Pierre Leonardini, Hélène Udovernik, exactement, et Viviane Théophildès. Voilà, qui sont deux actrices magnifiques. Hélène est une jeune actrice suisse, formidable, qui joue ma femme. Et Viviane Théophilides était professeure au conservatoire. Enfin, bah, à consonance grecque, non ? Non, non, pas du tout. Si, oui. C'est une pièce européenne. Bon. C'est Frangin au Lucernaire avec notre invité Philippe Duquesne. Il est avec nous jusqu'à 18h dans Si tu écoutes, j'annule tout. Derrière, on va parler de Donald Trump. Et avant, on le clash. On My Back, The Clash, la programmation musicale de Djoubaka. Autour de cette table, Alex Vizorek. Eh bien, dans l'ordre d'apparition, André Manoukian, Guillaume Meurice et Isabelle Sorand. Et notre invité, Philippe Duquesne, qui doit se dépêcher après l'émission parce qu'il joue à 19h. Et oui, ça va aller vite. Au Lucernaire. Il joue à 19h au Lucernaire. Frangin, mise en scène, Lou Wenzel. C'est ça. Doit avoir un lien avec... C'est sa fille. Ah, c'est oui, la voilà. Fille de Jean-Paul. Avec l'auteur. C'est, voilà, c'est une pièce mais familiale. Qui n'en est pas à sa première mise en scène. Hein. C'est déjà sa troisième mise en scène. Elle a été formidable. Formidable, voilà, c'était 6 semaines de répétition, voilà, en résidence, dans un petit village. Ah bon ? Oui, exactement, et c'était très agréable, on a vraiment vécu 6 semaines ensemble. Et où ça alors ? À Hérisson. À Hérisson, oh, bah, oui, écoutez, c'est mignon. Tout c'est près mignon. De Clermont-Ferrand, de Montluçon. Vous avez beaucoup bu pendant cette résidence. ça doit être ça. Voilà. Et, non, mais c'était vraiment très sympathique. Et Lou, je la trouve très douée, vraiment. C'est par nos acteurs. Qui met en scène Frangin. Vous jouez à 19h. Donc, comme vous allez filer juste après l'émission, nous sommes en charge de vous informer tout de suite. Bien. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et voici les titres. François Bayrou a fait un lapsus ce matin sur France Info. Pour une fois que quelqu'un l'écoutait, ça l'a complètement déstabilisé. Et voilà, ça devait arriver. Le drame du sort des migrants débouche sur une autre tragédie. Francis Lalanne leur a dédié un morceau. Le titre, plus jamais ça. Oh, et c'est un peu ce qu'on a pensé en l'écoutant. Et nous terminerons par un point météo. Quel temps fera-t-il dans le sud de la France, Charline ? Dégueulasse. Et dans le nord du pays ? Carrément dégueulasse. Ouais, c'est une très bonne idée, ce moment service. Et on commence par la visite de Marine Le Pen hier à Bruxelles. Oui, elle est venue à l'invitation du Vlaams Belang, un parti nationaliste flamand. Alors pour savoir, parce que les Français nous demandent, tiens, comment vous vous faites avec l'extrême droite en Belgique francophone, comment ça se passe? J'ai regardé le journal le plus regardé de Belgique à 13h, l'équivalent de Jean-Pierre Pernaut, le journal d'RTL TVI. Voilà comment on traite l'extrême droite dans nos médias. Marine Le Pen a été ovationnée à son arrivée et à la fin de son discours. Vive le Vlaams Belang, vive le Front National! Et excepté ces 8 mots, nous avons décidé de ne pas en diffuser le moindre extrait. Un discours dans lequel tous les réfugiés sont qualifiés de clandestins qu'il faut renvoyer dans leur pays, guerre ou pas. Voilà, nous ne diffusons pas le contenu de leur discours. Bon, faites comme vous voulez. Voilà, vous faites dans l'édito maintenant. Oui, bah j'avais envie de comme ça, parce que souvent on me demande comment ça marche. Sans transition. Oui, François Bayrou était l'invité de France Info et une fois de plus, il avait des solutions. Comme il a peu été au pouvoir, malheureusement, hein, il a souvent gardé pour lui ses solutions. Mais ici, il parlait des réfugiés. Oui, il parle quand même des réfugiés, on sent contre-chose l'omnubile. Oui, autre chose l'omnubile, on écoute. Pour qu'on sorte enfin du blabla, je viens d'essayer de le faire avec les Républicains et la proposition de zones protégées. Avec les... avec les migrants. Ça, c'est un super... Malheureusement, avec les réfugiés et la proposition de zones protégées. C'est, bah, c'est votre zone, faute. Une zone pour la Républicains, c'est faute, pas mal. Vous on va y penser. C'est votre faute. Et oui, quand il pense réfugié, il dit républicain. Et après, on dit qu'on rit pas sur France Info, excusez-moi. C'était la déconne. International, Alex. Oui, à l'occasion de la venue du pape à Philadelphie, un prêtre de Pennsylvanie a construit la basilique Saint-Pierre en Lego avec un demi-million de briquettes. Une énième affaire d'abus sur des enfants, puisque maintenant le curé leur pique leurs jouets. Et on reste dans l'international avec la crise des migrants et son inévitable dommage collatéral. Les famines. Pire. Le choléra. Pire que ça. Bah non, je vois pas. La chanson hommage de Francis Lalanne. Ah là là, le sale. Ah pourquoi il a attendu si longtemps? Et bien, parce qu'il avait déjà fait une chanson sur le sujet en 2003. Et déjà, sa grande inspiration de l'époque, c'était le 20h. Je ne veux plus voir tous ces gens mourir. C'est vous, Alex? Sous les roues d'un train partant pour le pays qui ne veut pas les recevoir. C'est Alex. Non, non. Voilà, alors ça ne rime pas, mais qu'est-ce qu'une rime par rapport à la souffrance des gens? Vous voyez, il souffre, il avait envie de le dire, c'est une très très belle chanson. Et c'est sorti aujourd'hui. Oui, ils ont ressorti aujourd'hui, ça a beaucoup tourné dans la journée. Quoi. Ah ouais, et ça explique sans doute que Guy Bé a succombé cet après-midi. C'est une des explications. Voilà. Remettons-nous, car une fois n'est pas coutume dans ce 17h17, nous avons une page culturelle. Une page culturelle, je vous propose un vrai ouvrage voilà, qui m'est tombé sous les mains, très intéressant, un livre de recettes de cuisine. Ah, une fois. Vous croyez que ça va intéresser les gens? Ah oui, parce que c'est un livre pas comme les autres, c'est un livre de recettes de cuisine pour cuisiner vos animaux de compagnie. Ah. Aux éditions de l'Épure, vous les avez aimés, mangez-les. Vous avez quelques recettes? Ben oui, c'est très bien fait. Le canari à la nage, dans le hamster burger, le roast beef de Tekel et le civet de chaton. Ah, et par exemple, le civet de chaton, c'est facile à, bah, à cuisiner. Je vais faire une lecture, je vous jure que c'est vrai. Ouais. Le livre existe, je n'importe rien. Alors prenez une portée de 6 à 8 chatons, une bouteille de Bourgogne, 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de cognac, un oignon. Alors voilà, une fois noyés, laissez les chatons mariner 8 heures au moins. Et c'est très très formidable. Belle image, formidable. Rappelez-nous les références comme ça, bah, c'est fait. Quand même, je vous le conseille. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Vous les avez aimés, mangez-les. De Pascal Rémy et Jean Lecointre. Voilà, pour les gens qui aiment les animaux. Très bien. Une page météo maintenant. Oui, une page météo. Alerte jaune. Vigicrue a été levée ce matin vers 10h dans le Vaucluse. Rappelons toutefois les alertes à la prudence. Hein. L'alerte Vigicrue est maintenue dans les rues de Paris. On termine par une brève. Là, vous êtes certain? Oui, j'allais voir qui l'ai choisie. Elle sort du Dauphiné. Okay. Prison ferme pour l'incendiaire qui chantait Allumer le feu. Et nous retrouverons demain. Le type vraiment, il mettait l'incendie puis il remontait le bâtiment en criant. Très bien. Écoutez, ça c'est l'information, hein. C'est vous qui la faites, c'est nous qui déconnons. C'est journal de presque 17h17 puisqu'il est déjà 17h26 sur France Inter, n'est-ce pas? Nous sommes toujours en compagnie de Philippe Duquesne qui joue Frangin tout à l'heure à 19h et qui sera très bien concentré pour y aller tout à l'heure au Lucernaire. Premier, je serai décontracté. Vous êtes complètement décontracté ce soir. C'est allez-y. Bien, il faut être dans le relâchement. Non, pour jouer. Absolument, ouais. Ou c'est mieux. Pas trop mal. Alors, j'espère que ce premier sujet ne va pas vous crisper. Qui est Donald Trump et surtout, qui sont ceux qui sont assez dingues pour le soutenir? Ben, ceux qui craignent le déclin de l'Empire américain et l'immigration. Ils veulent élire un type qui a des couilles. Ah, c'est dans la presse, hein, voilà. Et Trump, il a des couilles en or. De quel pays tu sors? Quoi? C'est ton pays, ça quoi? Fais un effort, on parle quelle langue, à quoi? Quoi? La langue, bougre de fiotte, est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Alors, tu comprends ce que je dis? Quoi? Dis-quoi encore une fois? Dis-le encore une fois! Allez, dis quoi? Vas-y, répète-le! Je te mets au défi de dire quoi? Une fois de plus, allez, dis-le pour voir! Voilà, l'accueil des immigrés par Donald Trump, ça va être formidable. C'est un extrait de Pulp Fiction. Alors ce soir aura lieu le deuxième débat télévisé de la primaire républicaine en Californie, avec Donald Trump en favori. Eh oui, ils sont de plus en plus dingues ces ricains, Philippe Duquesne, quand vous voyez ça, Donald Trump. C'est plus Très franchement, genre, moi je trouve pas ça très rassurant. Quoi. Mais pourquoi? Je comprends pas. Ouais, on se dit, tiens, un type qui a, apparemment est milliardaire, il y a beaucoup d'argent. Il a fait un best-seller, Comment devenir riche. Et puis on dit un président aussi, on dirige le monde. Pour les humoristes américains, c'est rassurant. Pour les humoristes américains, il y a de la matière. Là, il y a de la matière. Ouais. Ouais. Quand on voit Bernard Tapie en France à côté, c'est sûr Emmanuel, non? On se dit, est-ce qu'on est bien en France? Oui, je crois, oui. Ouais. Est-ce que c'est pas une tradition américaine? Ça va se terminer, mais comment? On nous a refilé à l'époque Reagan quand il s'est présenté, on s'est dit mais voilà un comédien de western. George W. Bush, on s'est dit pas très malin non plus. Ils ont eu l'investiture et pour finir. Bon, il n'y a que tradition américaine. Pour faire ça. Oui. Ils sont incroyables. Quoi. On en a des pas très malins non plus, hein, quand même. Hein. Ça rappelle les scores un peu les années 30 aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très fasciste. Et je trouve aussi dans l'espèce de virilité modèle, justement, il dit qu'il plaît aux femmes, que les femmes à qui il ne plaît pas sont frigides. Donc, bon, bah, Oui. En fait, il se dit sévèrement burné, comme ça. Et le mur pour le séparer les États-Unis du Mexique, qui doit être bien solide, bien haut, bien dressé. Un mur Trump. Voilà, un mur Trump. Et je pense que dans ce fantasme de virilité écrasante, il y a quelque chose de profondément fasciste. Il y avait d'ailleurs un très bon livre là-dessus qui s'appelait Male Fantasies, qui était d'un auteur allemand qui s'appelle Klaus Thiwelet, qui a malheureusement pas été traduit en français, mais qui analysait ces espèces de fantasmes de virilité écrasante qui sont en fait très liés au fascisme. Et dans lequel vous avez reconnu Donald Trump. Voilà, je l'ai reconnu tout de suite. Bon, on va laisser parler les gonzesses longtemps là ou quoi? Je ne crois pas cette personne qui dit oui, c'est un livre allemand qui n'a pas été traduit, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Si c'est pour inventer des trucs comme ça, moi aussi. Non, hein. Mais je peux le chroniquer si vous voulez. Elle l'a lu cet été. Je peux vous le dire. Sur la plage. Vous cautionnez. Personne ne me l'a piqué. Je cautionne, voilà. Donald Trump. Alors, demain matin, bien sûr, dans les journaux, on aura un compte rendu de ce débat, lui contre les Républicains, alors qu'il est dans le même camp, mais. Mais voilà. André Manoukian. Oui, c'est un peu le cauchemar hein, entre Trump et Daesh. On se demande. Par contre, s'ils pouvaient s'associer tous les deux, ça pourrait être sympa. Non, c'est-à-dire que si. Bah, qu'ils s'auto-éliminent l'un l'autre. C'est ça serait formidable. Sympa. Comme dans les films américains. Il change le monde de ce. Ah, écoutez, la musique adoucit les mœurs. Exactement. Et quelle musique? Je vais vous parler d'un groupe absolument formidable. Il s'appelle. C'est pas parce qu'ils sont belges. Hein. Allez, on commence par le commencement. Lui, il s'appelle Nathan Demps. C'est un saxophoniste belge. À noter que c'est un autre Belge, Adolphe Sax, qui a inventé ce merveilleux instrument en 1846. Et oui, tout est lié. Nous sommes reliés les uns aux autres par un cordon invisible. Et comme disent les alchimistes dans la table d'émeraude, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cette phrase hermétique est justement attribuée à Hermès Trismégiste, divinité issue de la fusion, Alex, du dieu égyptien Thoth et du dieu grec Hermès, à qui on doit, entre autres, Philippe Duquesne, Aquies, l'invention, l'invention de la lyre. Allez, et on du revient. Carré, le fameux carré Hermès. On revient à notre très jeune saxophoniste belge. Le jazz est sa passion. Dans ces cas-là, pas le choix. On se balade avec son instrument dans tous les clubs de la ville. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Parce que si on se balade avec son instrument dans tous les clubs de la ville, je vous entends déjà dire des bêtises que vous dites même plus exactement. C'est vous qui l'avez écrit. On attend que les musiciens aient fini et en fin de set, on demande si on peut monter sur scène pour jammer. C'est la coutume. Et tout bon musicien qui se respecte ne peut pas envoyer l'impétrant qui demande, puisqu'on est tous passés par là. Vous vous rappelez de l'anecdote que je vous ai souvent racontée, Charlie Parker qui déboule, il a 17 ans et il se fait jeter carrément, le batteur lui envoie la cymbale à la figure pour qu'il s'arrête. Il revient un an plus tard et là cette fois-ci c'est le gars qui lui a envoyé sa cymbale qui geste son instrument tellement il avait fait des progrès. Nathan Demps fait une jam dans un club de Bruxelles avec des musiciens formidables et là pour la première fois ça se passe bien, si bien qu'il est acclamé, tout le monde lui paye des coups à boire. Passé l'euphorie, il revient sur scène pour récupérer son sax et là, horreur, son sax a disparu. Oh non. Bah ouais, quand on est un jeune musicien c'est un drame. À la place, et c'est c'est une histoire vraie que je vous raconte. Une vieille carte avec un mot, une carte avec un mot. Accomplis la prophétie, rencontre-nous à l'église d'Abyssinie à Bruxelles. Au dos, une image d'un personnage portant la légende « Le prêtre Jean ». Isabelle, vous savez qui est le prêtre Jean ? Non, malheureusement. Le royaume du prêtre Jean est un état chrétien mythique qu'au Moyen-Âge, des rumeurs situées en Afrique ou en Inde. Au-delà de la Perse et de l'Arménie, s'étend un merveilleux royaume dirigé par le prêtre Jean. Cette terre est traversée par un fleuve provenant du paradis, charriant émeraude, saphir et rubis. Toutes les valeurs chrétiennes sont respectées à la lettre. Le vol, la cupidité, le mensonge sont inconnus. Il n'y a pas de pauvres, surtout pas le prêtre Jean, dont le palais sans fenêtre est éclairé de l'intérieur par toutes les pierres précieuses dont il est paré. Ça se passe entre l'Irak et la Syrie. Hein, j'aurais situé là. Oui, c'est ça. Alors revenons à Nathan, notre saxophoniste bruxellois. Le voilà parti dans Bruxelles à la recherche de cette mystérieuse église d'Abyssinie. Rien, pas une trace. Même la police n'a jamais entendu parler de cette église. Au moment où il abandonne, un jour qu'il erre dans Bruxelles, sur la façade décrépite d'un vieil immeuble, il tombe sur une inscription peinte à la bombe « Église d'Abyssinie ». Vous avez noté, c'est au moment où il abandonne qu'il trouve. « Abandonne et tu recevras », disait Aristote. Il rentre dans l'immeuble. Aussitôt, un homme vient vers lui et lui dit « On t'attendait ». Le voilà à travers un dédale de couloir conduit vers un prêtre en robe pourpre qui se tient derrière un autel et lui dit « Bienvenue en Abyssinie. Dans ce royaume, tu es mon hôte. » Il lui tend une tasse de thé, boit. Il y a des injections qu'on ne peut pas refuser. Des injonctions. Nathan s'exécute. Sinon, il aurait dit pique-toi. Ça n'a rien à voir. Nathan s'exécute et il n'y avait pas que du thé dans la tasse. Le voilà sur une route phosphorescente et rouge, marchant au milieu de créatures sans tête, au visage dessiné sur la poitrine, au milieu de plantes dont les fleurs sont des animaux. Toute cette iconographie, on la retrouve sur son album. Tout ce monde étrange le fixe. Une musique formidable résonne, faite de battements de cœur, de cuivre, d'harmonie inouïe. Ah oui, il est bien pété. Quoi. Comme si tous les habitants de la terre entière avaient pris un instrument et le jouaient. Mais bien, pas comme à la fête de la musique. Au paroxysme apparaît le prêtre Jean, un sourire ineffable. Tout s'agenouille et Nathan s'évanouit. Il se réveille dans l'immeuble déserté. Il a son saxo dans une main et dans l'autre un billet. Bienvenue dans la vie après la mort abyssinienne. Des mois pour essayer de retrouver les mélodies qu'il a entendues. Un jour qu'il en essaye une en se chauffant sur scène, il y a un trompettiste qui jaillit et lui dit « Dis-moi pas que t'as été en Abyssinie. » Il sort son instrument et il joue. Et c'est ce groupe formidable qu'on écoute tout de suite. C'est une histoire vraie, je te promets. Magnifique. C'est une histoire vraie, je te promets. Ça s'appelle Black Flower. Ouais, vous avez entendu le saxophone rentrer un petit peu plus tard exactement, dans Charlie. Le morceau. Alors, on est toujours sur la gamme pentatonique éthiopienne et à mode répétitif. Et la trance vient de là. Alors, ils seront à l'Ermitage dans le 20e à Paris, 8 rue de l'Ermitage, le jeudi 24 septembre prochain. Allez-y, extase assurée. Et vous êtes chez vous, vous mettez le disque, vous écoutez ça combien de temps? Ah, mais moi, elle me laisse tomber, mais j'écoute tout l'album et au bout d'un moment, j'écris des chroniques des gens. Ah, oui, bah, c'est pour Black ça. C'est Flower, ouais, c'est ça. Le morceau s'appelle Again I Lost It. Philippe Duquesne, ça détend ça dans la loge avant d'aller au Lucernaire ce soir. Vous allez m'énerver. Ah, mais moi, je trouve ça très original. Voilà, et, c'est le mot. Et, vous êtes bien élevé en tout cas. Il joue très bien, effectivement. Le trompettiste aussi. Il y a une trompette. Oui. Hein, trompette formidable. Sax. Oui. Ouais. Ouais, ils sont tous belges, ils sont formidables. Il a de l'oreille, votre invité, au moins. Oui, mais oui, mais évidemment, mais on rigole. Mais c'est grâce à la curiosité d'André Manoukian qu'on découvre cette nouveauté. Black Flower. Merci, André. Philippe Duquesne, à 7h06, c'est le moment de Guillaume Meurice. Qui donne de sa personne pour investiguer avec une pointe d'humour et ça donne des choses originales également. Écoutez. Oui, alors je vais d'abord vous raconter une petite anecdote. J'étais à la machine à café avec Isabelle Sorrente et là elle me dit quoi ? Qu'est-ce qui a deux pattes et qui saigne beaucoup ? Alors moi je savais pas. Elle me répond un demi-chien. Voilà. Alors voilà. Isabelle, ouais, je reconnais son humour. On reconnaît le style, hein, évidemment. Alors Isabelle Sorrente fait des blagues. Alors il y a pas de raison. Moi je vais vous parler littérature, figure de style et langage. Car les mots ont un sens. Leur choix est très important. On ne dit plus aveugle, hein, on dit non-voyant. On ne dit plus migrant, on dit un réfugié. On ne dit plus un salopard sans scrupules, on dit un spécialiste de la vente directe ou un représentant de commerce. C'est vrai, je l'ai appris au grand carrefour des carrières commerciales où je me suis rendu. Et les commerciaux ont un langage bien particulier. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un bon commercial ? Demandons à un professionnel. Vous savez, je pense que le bon commercial, c'est celui-là qui s'intéresse au client. Voilà, qui sait écouter le client, qui sait s'intéresser. C'est celui-là qui sait parler aussi ? Il faut savoir parler, il faut savoir communiquer, il faut savoir sourire. C'est celui-là qui fait des belles tournures de phrases ? Pas forcément, c'est pas forcément le meilleur. Je pense que celui-là, le meilleur, c'est celui-là qui identifie bien les besoins des clients et qui sait répondre à des attentes. Voilà, donc vous l'avez reconnu, ce commercial, hein, c'est celui-là qui arrive à vendre davantage de DVD de Franck Ribéry que de Becherel. Mais le langage commercial, c'est très très spécifique. Écoutez la définition d'un coût commercial. Ceux qui sont les plus valorisants, c'est quand le client vous dit non, que vous pensez l'affaire perdue et que vous lâchez pas et que vous arrivez à revenir d'une façon ou d'une autre. C'est un peu la définition du viol. Non, pas du tout. C'est la définition du mariage. Ah oui, toujours les mots. Hein. C'est pas un viol, c'est un mariage. L'importance de la définition. Et on en profite bien sûr pour saluer l'épouse hein, de ce commercial, toujours retenu en captivité dans sa cuisine. Mais c'est vrai que la comparaison avec le mariage revient souvent dans la bouche des commerciaux. Écoutez la vision du métier de cet autre professionnel du secteur. Notre mode de développement, c'est un petit peu la consolidation du mariage. C'est que tous les 4 ans, on se revoit pour redévelopper, revoir aujourd'hui les choses qui ont été ou pas été et revoir un nouveau business ou une nouvelle solution. Donc on entretient ce mariage effectivement tous les 4 ans avec un retour ou une revisite client et une nouvelle fois une nouvelle prestation pour une satisfaction, comme dans le mariage. Et oui, comme dans le mariage, tous les 4 ans, une revisite client, une prestation pour une satisfaction. Voilà, c'est beau hein, l'amour, enfin l'amour, le business comme on dit en langage commercial. Mais c'est pas seulement ça le commerce, c'est aussi de l'artisanat. D'ailleurs, il y a des concours comme pour les boulangers ou les pâtissiers, il y a aussi... Et il y a aussi le concours du meilleur commercial de France. Mais alors comment ils sont jugés ? Est-ce qu'ils doivent par exemple vendre des encyclopédies à des personnes âgées ou des choses comme ça ? Non, justement, on essaie aussi de promouvoir le nouveau métier de commercial, qui est un métier plutôt assez technique, beaucoup dans l'écoute, beaucoup dans le qualitatif. Ah, alors le qualitatif, mot très important dans la rhétorique du commercial. Le quali, comme on dit, le quali. Voilà, voilà. Alors avant, on se disait, mais attends, 138 euros par semaine pendant 8 ans pour me vendre une encyclopédie sur les marcassins, il se fout vraiment de ma gueule. Mais c'était un peu long comme phrase. Alors maintenant, on dit, il fait du qualitatif, hein, c'est quand même plus simple. Et il en faudra beaucoup de sens du qualitatif aux agents commerciaux pour remporter ce concours. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Alors, il gagne pas mal de choses. Il y a à peu près pour 30 000 euros de cadeaux. Bah, il faut les motiver, hein, c'est les commerciaux. Oui, ils aiment le pognon. Oui, sans doute, en tout cas la reconnaissance. Oui, alors encore une fois, on apprend des choses. Pognon en langage commercial se dit reconnaissance. Et c'est vrai qu'en arnaquant des gens, ou plutôt devrais-je dire en optimisant sa capacité d'action, on peut se faire un max de reconnaissance. Reconnaissance qu'on prendra soin de placer à la banque, hein, bien évidemment. Poursuivons notre apprentissage du langage commercial avec une autre comparaison intéressante. Pour moi, le bon commercial, c'est comme un docteur. C'est-à-dire que les commerciaux avant, c'était des pharmaciens. Ils vous vendaient les médicaments, voilà. Et puis le plus possible. Donc les gens qui achètent sont malades ? Eh bien, ils ont. A priori, c'est le principe, oui. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vous voir, c'est qu'il a un besoin. En tout cas, il a un point de douleur. Enfin, le terme commercial, c'est point de douleur, en l'occurrence. C'est vrai ? Oui, tout à fait. Donc le rôle du docteur et du commercial, c'est de comprendre la problématique de son client, de comprendre quels sont ses points de douleur et de voir si sa solution peut répondre à ses points de douleur. Et voilà, les points de douleur, ça c'est intéressant. On achète pour guérir une douleur. Nous, on pensait que c'était le crédit CTLM à 18% hein, qui nous faisait un petit peu mal au fion. Mais non, ça nous permet de soulager un point de douleur créé par la publicité. Tout se tient, vous avez compris ? Oui. Bon, c'est bien. Alors voilà, vous savez tout pour devenir un bon commercial, à moins que vous ne soyez un individu comme le décrit ce chef de secteur. Surtout aujourd'hui, ce qui est le plus dur, c'est de trouver des personnes qui ont envie de travailler avec le grand T du travail. C'est vrai, on est dans un monde de feignasses. Et effectivement, on est dans une société qui pousse pas forcément purement dans le travail, avec le grand T, comme je le répète. Et voilà, le problème en France, c'est que les plus de 3 millions de demandeurs d'emploi, ils ne veulent pas bosser. Pardon, j'ai dit demandeurs d'emploi ? Non, il fallait comprendre enfoiré d'assister, hein, pour reprendre les thèses de ce crétin. Pardon, j'ai dit crétin, alors, il fallait comprendre personne qui soutient une thèse ultralibérale. Merci Guillaume Meurice. Voilà une nouvelle enquête de résistance face à la connerie ambiante. C'est celui-là qui s'attaque à la connerie. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est pas Philippe Duquette, ça, c'est l'enquête de résistance. Ah bah, ça fait très plaisir parce que on sent que tout ça est très bien géré. Oui, effectivement. Il faut déstabiliser tout ça. Vous avez compris que dans cette émission sur France Inter, on coince l'actu dans le volet roulant. On m'a joué des chiens. Sujet 2 avec vous, Philippe Duquette. Comment bien préparer son entrée en prépa? Eh bien, en payant une formation avant de passer le concours. Il y a des boîtes privées pour ça. Avec un peu de cash, vous pouvez y arriver. Je crois que je vais réussir à faire entrer ici un nouvel élève. Mais sa famille accepterait-elle nos conditions? 3000 francs par mois, un trimestre d'avance? Cela va sans dire. L'élève suivrait-il les cours supplémentaires? Probablement. Escrime, modelage, chant choral? 3000 francs par mois? Danse, aquarelle, espéranto, 1200 francs? Elle en comprendra la nécessité. Avez-vous dit que nous étions forcés d'ajouter au prix de la pension divers autres suppléments? Quels suppléments, monsieur le directeur? Fourniture de plumes et buvards, 100 francs. Autorisation de boire au robinet d'eau potable, 50 francs. Enfin, 300 francs par mois pour l'assurance contre les accidents proprement scolaires, comprenant foulure, luxation, fracture, cervatine épidémique, rayon et plume dans l'œil. un extrait de Topaz, bien préparé, ça prépa, qui n'en veut? Eh bien, Amandine, 20 ans par exemple, dans Aujourd'hui en France, explique qu'elle a bossé 3 mois dans une bijouterie pour s'offrir une prépa au concours d'orthophoniste. Là, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un non-sens à un moment? Parce que, bon, elle va faire le concours d'orthophoniste, mais si elle le rate, bah après, elle n'aura pas de boulot. Mais elle aura travaillé 3 mois dans une bijouterie pour se les payer. Voilà. Je m'y perds un peu. Alors, il faut dire que je ne suis pas française, c'est peut-être ça. La prépa, pour préparer la prépa, pour passer un concours, pour acheter un diplôme. Pour être chômeur, après. Est-ce que vous auriez une explication, Philippe Duquette? Bah écoutez, moi, je trouve ça bien de travailler. Enfin, de se préparer à des concours pour faire ce qu'on a envie. Alors, ça crée un business. Mais hein. Ceci dit, ce qui est... c'est que l'égalité pour tous, elle n'y est pas vraiment. Voilà, donc il faut un peu d'argent. Des fois, il y a des séjours linguistiques à l'étranger qui coûtent aussi de l'argent pour se préparer. Puis, si vous faites des études et que vous devez travailler en même temps à côté, c'est pas la même chose que si vous ne faites que des études. Isabelle Sorand, vous avez un avis sur la question, vous qui sortez d'une grande école? Oui, alors moi, c'est vrai que j'ai fait toute ma scolarité dans l'école publique, donc j'étais pas. Mais là, ce qui est un peu effrayant dans l'article de La France Aujourd'hui, Le Parisien Aujourd'hui en France. Voilà, Le Parisien Aujourd'hui en France, c'est, je trouve, le côté, le fait que la rentabilité, en fait, est imposée aux jeunes gens, enfin, de plus en plus tôt. Donc, on est presque dans quelque chose où, au lieu de penser à la connaissance, à la table d'émeraude et à tout ce que nous racontait André Manoukian tout à l'heure, qui est les choses dont on rêve quand on a 10, 13 ans, je trouve ça assez terrible de voir que maintenant, des gamins sont obligés, parce que c'est notre monde qui est comme ça, de penser à la manière dont ils vont gérer leur vie. Effectivement, il y a un économiste dans Le Parisien, Arnaud Parianti, qui dénonce une école de l'ombre dans tout ce business pour préparer les jeunes. Une école de l'ombre nourrie par, je cite, la volonté désespérée de faire entrer son enfant dans l'ascenseur social. Voilà, je vous renvoie au dossier du Parisien aujourd'hui en France. Je vous renvoie au prescripteur d'antan, c'est pas tellement nouveau. Des gens qui avaient les moyens qui pistonnaient. Voilà. Si vous trouvez ça normal, n'avez pas envie si de changer le monde, n'en dégoûtez pas les autres. Ce matin, en conférence de rédaction, il n'y avait qu'à nous dire c'est pas nouveau. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas en parler. Attention, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est pas dégueulasse. Vous voyez comment vous êtes. Ah, voilà, au milieu du village, on va remettre l'église. Un petit peu, parce que sinon, on va pas... Parce que Isabelle Sorrente, c'est celle-là qui parle de bouquins. Effectivement, c'est elle, Isabelle Sorrente, c'est à vous. Alors oui, donc aujourd'hui, attendez, je trouve mon anti-sèche là, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. À l'heure de l'accélération, à la veille de la conférence sur le climat et surtout devant les files de réfugiés qui marchent donc vers une vie meilleure, moi j'avais envie de vous parler d'un livre que je trouve d'une actualité toujours aussi brûlante. Et donc c'est Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle et c'est paru aux éditions Garnier Flammarion. Donc Marc Aurèle a assumé la charge d'empereur de Rome de la mort d'Antonin en 161 à sa propre mort en 180. Et je dis assumer la charge parce que c'est quelqu'un, c'est très perceptible dans ses pensées qui sont en fait son journal intime, qui est mélancolique, qui est un peu triste même d'être empereur, puisque c'est un homme plutôt introverti qui a été formé par des philosophes stoïciens et qui aurait bien voulu consacrer sa vie à la pensée. Et la vie va faire qu'il va devoir faire la guerre et diriger l'Empire romain. Donc voilà donc cet homme qui aurait voulu passer son existence à méditer, qui va la consacrer à combattre des invasions barbares au nord de l'Empire qui est aujourd'hui l'Autriche, à lutter contre la peste qui se propage à Rome et contre les rébellions de ses propres généraux en Syrie. Et c'est aussi le genre de dirigeant qui, pour ne pas lever d'impôts alors que le peuple est complètement accablé par la peste, va décider de vendre tous les biens qu'il y a dans tous ses palais aux enchères pour financer les besoins de l'État. Alors imaginez qu'aujourd'hui un dirigeant politique ou un dirigeant d'entreprise fasse ça. Eh bien, on se dit qu'on a du mal à l'imaginer. Eh ben, même si on a du mal à l'imaginer, on se dit qu'il y aurait toujours les caméras, je crois. On se dit que ce serait un acte, non pas une grandeur d'âme, mais un acte très grandiloquent, très médiatisé. Il y aurait un soupçon, vous voulez dire. Oui, il y aurait un soupçon d'ego, on va dire. Mais là, là, non, parce qu'il n'y a pas de caméra. Et je crois que la grandeur de ces actes, elle est tout à fait... en fait, c'est l'expression de la simplicité de ses pensées, de la limpidité de ce qu'il écrit. Par exemple, dès l'aurore, dis-toi par avance, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un insociable. Tous ces défauts sont arrivés à ces hommes par leur ignorance des biens et des maux. Je ne puis m'irriter contre un parent, ni le prendre en haine, car nous sommes nés pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières, les deux rangées de dents, celles d'en haut et celles d'en bas, se comporter en adversaire les uns des autres et donc contre nature, et c'est agir en adversaire que de témoigner de l'animosité et de l'aversion. Voilà ce qu'il écrit le matin, entre deux combats, tout au long de sa vie, dès qu'il en a le temps. Marc Aurèle, c'est un homme qui parle à son âme en permanence, au point qu'on se dit que les pensées, c'est juste, on va dire, la trace écrite d'une espèce de dialogue intérieur absolument génial qu'il a avec lui-même. Et pourquoi c'est intéressant aujourd'hui? C'est qu'à l'heure où les rayons de la FNAC dégoulinent de livres de débordement, de développement personnel, oui, de recettes de bonheur, de comment être riche, de comment être positif, de comment préparer sa prépa tout en restant sympathique, de toutes ces versions édulcorées des fondamentaux de la philo, qui sont assez nazes au fond, autant revenir à la source. Parce que la source n'est jamais compliquée, c'est écrit très très simplement. Et les pensées, elles nous font du bien, je pense, aujourd'hui, dans ce 21e siècle très fou, parce qu'elles sont authentiques. Donc voilà le livre à recommander à tous ceux qui ont un agenda surchargé, à tous ceux qui cherchent le bonheur dans un monde où le climat chauffe et surtout à nos dirigeants. Oui. Il faudrait envoyer les pensées à tous les membres du gouvernement et de l'opposition. Et pour finir, voilà une petite maxime intéressante, plutôt deux. Au nombre des plus proches maximes sur lesquelles tu te pencheras compte ces deux. L'une, que les choses n'atteignent point l'âme mais qu'elles restent confinées au dehors. L'autre, que toutes ces choses que tu vois seront, dans la mesure où elles ne le sont point encore, transformées et ne seront plus. Et de combien de choses les transformations t'ont déjà eu pour témoin. Songe-y constamment. Le monde est changement, la vie remplacement. Eh oui, Renaud Camus, une phrase à méditer par tous ceux qui ignorent que le grand remplacement est aussi synonyme du grand mouvement de la vie. Merci, merci Isabelle Sorrente. Marc Aurèle qui donc... d'actualité. Oui, et au lieu de passer son temps devant les caméras... passer son temps en, chez lui à écrire. Oui, oui, à écrire et il était très triste de devoir s'occuper de tout ça. Il faut juste rappeler pour nos jeunes auditeurs qui aiment le cinéma que c'est l'empereur de Gladiateur, le fameux qui se fait étouffer par son fils Félon et qui était vraiment un bon gars. Oui, il faut rappeler qu'il n'a pas fait la guerre, il a envoyé des soldats faire la guerre. Il l'a fait. On l'a jamais vu sur un champ de bataille, ce Marco. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu, mais j'y crois. Je les connais, ces gens-là. Isabelle Sorrente, et je rappelle Isabelle que vous êtes aussi écrivain et vous publiez La Faille chez Jean-Claude Lattès. Nous le recommandons chaudement. Bien sûr, toute l'équipe l'a lu. Allez, troisième sujet avec vous, Philippe Duquesne, avant de filer au Théâtre du Lucernaire, où vous jouez Frangin de Jean-Paul Wenzel. Dépêchez-vous, parce que c'est jusque, oui. Jusqu'au 11 octobre, oui, tout à fait. Troisième sujet, alors quel est le troisième sujet? C'est une bonne question. Si, le dopage. Oui, c'est ça, le film, effectivement. Ben Foster, qui joue dans The Program, le film de Stephen Frears, s'est dopé avant le tournage, il s'est piqué pour investir son personnage. Je voulais comprendre, je viens juste de récupérer physiquement, dit-il. T'en fous de moi, quoi? Tu veux nous attirer des ennuis? Tu te rends pas compte que c'était un coup à foutre l'équipe en l'air? C'est pas moi, monsieur Pacodel. Ah non, c'est pas toi, non. C'est lui qui a braqué une pharmacie. Je voulais y aller bien, non, monsieur Pacodel. Homéopathique, en douceur. En douceur. Il m'a même plus posé le cul sur une chaise. Ah ben, ça, c'est les fléchettes, hein. Écoute-moi bien, Ricardo. Je t'ai signé un contrat pour que tu t'occupes de préparer les gars. Ce que tu as fait avec Lambert, c'est un travail de boucher. De boucher. Alors encore une bavure comme ça et je te vire. En te mettant tout sur le dos. C'est la règle, monsieur Fagodel. C'est la règle. J'ai fait attention. Hein. Comptez sur moi. Il n'y aura plus de problème. Voilà, le vélo de Guylain Lambert. Alors donc l'acteur qui incarne Lance Armstrong s'est dopé avant le tournage, donc il s'est piqué pour investir son personnage. Il faut y aller jusque-là, Philippe Duquesne, quand on veut Personnellement, non. Moi, enfin, c'est pas trop mon truc. Voilà. Non, mais ce qui m'amuse beaucoup là, plus là-dedans, c'est que finalement, Armstrong, il s'est fait piquer... Enfin, ça oui, ça prendre. On en est sûr. Il s'est fait prendre. Il a piqué beaucoup de choses aussi. Il a quand même gagné 7 Tours de France. Braqué 7 Tours de France. Oui, mais il s'est fait prendre combien de temps après? Suffisamment. Quelques années. Oui. C'est, bon, et donc on peut se poser la question de savoir si ça existe encore aujourd'hui. Et moi, je pense... Une histoire fascinante. Avec des nouveaux produits... Quoi, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le fait qu'ils roulent plus vite qu'avant, alors qu'ils sont plus dopés, c'est ce genre de choses-là qui vous surprend? C'est comme Louis Armstrong, il a fait What a Wonderful World en 1964 et ça a marché 10 ans plus tard. Alors ça n'a rien à voir, mais non, parce que tout le monde est bien conscient de ça. Hein. Moi je me suis planté, j'ai révisé Louis Armstrong. Alors Stephen Frears, le réalisateur britannique, explique dans son film, on voit vraiment ce que c'est que le PO, des poches de sang qu'on s'injecte à l'aiguille dans une chambre d'hôtel. Et donc le cinéma permet de voir ça vraiment, parce que ça reste quelque chose, ça reste un débat, mais quelque chose qui n'est pas palpable. Cela dit, moi je voudrais revenir sur le travail d'acteur en tant que tel. Si on vous proposait, je ne sais pas, de jouer un grand haltérophile, est-ce que ça vous dirait de commencer à essayer ce sport-là pour devoir le faire? Je pense que d'emblée, je dirais non. Voilà, c'est comme ça, le problème est réglé. Quand on est né à Béthune et qu'on doit jouer un mec de Berck dans les ch'tis, est-ce qu'on bosse vraiment le rôle? Non, ça va, ça c'est naturel. Ceci dit, j'ai fait le fils du bourreau de Béthune, hein, quand même. Ah oui, dans les déchets. Le catcheur. Le catcheur, voilà. Ouais, ouais. J'ai fait son petit-fils. Mais alors, oui. Je montrais mes muscles. Voilà. Mais bon, ça s'arrête là. Stephen Frears qui dit à propos de Lance Armstrong et de cette Tour de France braquée. Donc c'est un casse de grande classe, comme de voler la Joconde. C'est ce qu'il a dit ce matin à Eva Bétan. Eh oui, donc voilà. Mettons que des gens regarderont encore le Tour de France, ça risque de continuer. Allez, et si vous incarniez un rôle, Philippe Duquesne, avant d'aller jouer au Lucernaire tout à l'heure à 19h? C'est l'heure du sketch de fin d'émission, on vous propose un rôle pas très difficile, c'est le rôle d'un habitant d'Arras. Car, oui, je vais vous expliquer pourquoi, c'est toujours lié à l'actualité. Hier, le beffroi d'Arras est devenu, dans l'émission de Stéphane Bern, le monument préféré des Français. Alors, je ne sais pas si les gens de Arras se sont jetés pour voter pour, ou si c'était toute la France qui était d'accord. En tout cas, Stéphane Bern, se rend à Arras pour aller interviewer les gens sur place. Monsieur Bern, vous avez l'air contrarié. Écoutez, c'est quand même scandaleux. Mais quoi? Mais le beffroi d'Arras, monument préféré des Français, mais quelle plaie! N'aurait pas pu voter pour la Voile Rouge à Saint-Tropez ou l'hippodrome de Deauville? C'est joli, le beffroi. François 1er s'est fait chier à dresser le château de Chambord et les Français, ingrats Français de merde, ils choisissent ce beffroi d'Arras. Mais calmez-vous, Stéphane. Je suis colère. Mais non, mais il faut que vous interrogiez des gens pour l'émission. Allez, bah tiens, celui-là, on va prendre celui-là. Allume la caméra, on y va. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Philippe. Oui, bonsoir Philippe. Alors, heureux que les Français considèrent le beffroi d'Arras comme leur monument préféré? Oh, je n'étais pas au courant. Mais si, voyons Philippe, le vote est passé dans mon émission hier soir. Oh, vous faites de la télé? Bah, je n'étais pas au courant, moi. Mais si, monsieur, je ne serais jamais venu ici. Soyez mon guide, Philippe. Allez, montez-moi à Arras. Mais non, je n'étais pas au courant. Le tourisme dans le Nord. C'est nouveau, ça. Eh bien, tous nos vaccins, à jour, j'espère. Hein. Nom de Dieu, non, non. Seigneur, Marie-Josée, mais personne ne m'a dit qu'il fallait faire des vaccins. Bon, parlez-moi du beffroi d'Arras, allons-y vite. Bah, il est là, là. Il est beau, hein. Il est là depuis que moi, je suis là, d'ailleurs. Et quel est votre attachement, Philippe? Bon, je m'attache pas au beffroi, moi. Non, mais vous êtes bizarre, non? Bah non, c'est vous qui êtes bizarre, là. Bah, évidemment. Vous devriez faire un film dans cette région, tiens, ça ferait rire les gens. Bah, il y a déjà eu les ch'tis. Jamais entendu parler. Bah, t'as encore des questions parce que... Mais je dois aller au café, là. Bon, dernière question. Si vous aviez dû choisir le plus beau monument de France, Philippe, vous auriez choisi quoi? Bah, j'aurais hésité entre deux. Allez, allez, le beffroi de Arras et... Non, pas du tout. J'aurais hésité entre la voie la rouge à Saint-Tropez et l'hippodrome de Deauville. Non. Bah si, camarade. Mais on est d'accord, Philippe. Mais calme-toi. Oh, mais ça me fait tout bizarre d'être d'accord avec quelqu'un comme vous, Philippe. Bah dites-vous que pour moi, c'est encore plus bizarre d'être d'accord avec quelqu'un comme vous. Merci, tout Philippe Duquesne. Merci, on vous laisse filer pour aller jouer Frangin. C'est au Théâtre du Lucernaire jusqu'au 11 octobre. C'est ça. Vous jouez à 19h, une pièce de Jean-Paul Wenzel avec une mise en scène de Lou Wenzel. Il y a aussi Jean-Pierre Leonardini et Jean-Paul Wenzel lui-même. Merci à tous. Merci à tous. C'est la fin de cette émission. Le mot de la fin. À Donald Trump qui s'entraîne pour le débat de la primaire républicaine qui a lieu ce soir. De quel pays tu sors? Quoi? Quoi? C'est ton pays, ça quoi? Fais un effort! On parle quelle langue, à quoi? Quoi? Dis-toi encore une fois! Dis-le encore une fois! Allez, dis quoi? Vas-y, répète-le! Je te mets au défi de dire quoi? Une fois de plus, allez, dis-le pour voir!